Les hôtes étrangers et les compatriotes coréens d'outre-mer exaltent les exploits du président Kim Il-sung accomplis pour la victoire dans la guerre. Le président du comité koweïtien du soutien à la réunification de la Corée, le président du comité indien d'études de la philosophie du Jutsu et le président du parti socialiste béninois ont dit que le président Kim Il-sung jouit de l'admiration infinie du monde comme le commandant prestigieux à la volonté d'acier et stratège militaire incomparable, car il a vaincu avec la supériorité politique, idéologique, tactique et stratégique les ennemis puissants impérialistes dans la guerre de libération de la patrie. Ils ont ajouté qu'il a battu les impérialistes américains et sauvegardé glorieusement la souveraineté et la dignité de la nation et que ses exploits accomplis dans la guerre s'éterniseront à jamais. Jong Il-sim, femme coréenne en Russie, et Oh Gyu-sang, directeur adjoint de l'Institut de l'Histoire des Coréens au Japon, ont exalté les immortels exploits du président Kim Il-sung accomplis pour la victoire dans la guerre, en disant qu'il a obtenu la victoire dans la guerre pour ainsi sauver de nouveau le destin de la patrie et de la nation.